Je suis sur une route à sens unique. Ce panneau à fond vert confirme que je suis bien dans la direction de Genève et Mâcon. Et j'ai encore 205 km à parcourir pour aller jusqu'à Genève. Je suis sur la Nationale 79. N'étant pas sur une autoroute, la vitesse est limitée à 110 km/h. Sur autoroute, les panneaux directionnels sont à fond bleu. Réponse A et C.